De l'Antarctique au Spitzberg, des Galapagos au Groenland, laissez-nous vous étonner. Réalisez vos rêves en embarquant avec Hurtigruten vers des contrées mythiques. Retrouvez le goût de l'aventure et de l'émerveillement face à une nature et une faune spectaculaires. Enrichissez vos connaissances aux côtés de nos experts et abandonnez-vous au confort chaleureux et informel d'un navire Hurtigruten. Réservez votre croisière pour 2023 avant le 30 juin sur hurtigruten.fr et économisez jusqu'à 500 € par personne. Offre soumise à condition. Bonsoir, bienvenue dans Autant n'emporte l'histoire. Aujourd'hui, 1822, Champollion et le mystère des hiéroglyphes égyptiens. Le 14 septembre 1822, Jean-François Champollion, 32 ans, débarque dans le bureau de son frère et lui souffle à l'oreille « Je tiens mon affaire ». Avant, affirme la légende, de s'effondrer sur le sol, épuisé d'émotions et de fatigue. Il y a de quoi s'évanouir. Jean-François Champollion vient de résoudre le mystère des hiéroglyphes, cette écriture d'une fascinante beauté, utilisée par l'Égypte ancienne pendant 3000 ans, mais dont la clé, depuis plus de 15 siècles, semblait à jamais perdue. Sa découverte, comparable en importance à celle des grands explorateurs, ne résulte ni du miracle ni du hasard, mais bien d'une méthode et d'un travail acharné, commencé quand le jeune Champollion, petit-fils de colporteur analphabète, décide à 16 ans qu'il consacrera sa vie à l'Égypte. Il y a 200 ans, en perçant le mystère des hiéroglyphes, Champollion donnait naissance à une nouvelle discipline, l'égyptologie. Mais cette victoire, Jean-François la partage sans nul doute avec Jacques-Joseph, ce grand frère qu'il a toujours soutenu, fervent républicain comme lui, véritable alter ego et ange gardien. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Vanessa Desclos, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes égyptologue, conservatrice des bibliothèques au département des manuscrits de la BNF, co-commissaire de l'exposition « L'aventure Champollion dans le secret des hiéroglyphes » qui s'est ouvert au mois d'avril et qui est visible jusqu'au 24 juillet à la Bibliothèque nationale de France. Alors pourquoi est-il si vrai, à propos de Champollion, de parler d'aventure ? C'était en effet une aventure, car il s'agit... Rien de moins que de l'ascension d'un homme, un autodidacte, qui a navigué à travers les langues orientales et des siècles d'oubli des hiéroglyphes pour à nouveau prouver qu'il s'agissait bien d'une écriture qui encodait une langue. Et il va parvenir là où tant d'autres avant lui ont échoué. Et c'est une aventure aussi parce que c'était dans une concurrence au niveau européen et qu'il est le premier à comprendre tout cela. Vous l'avez dit, Vanessa Desclos, il y a une dimension sociale, une ascension sociale chez ce Champollion. Il est d'origine très modeste. Son grand-père, je l'ai dit, enfin son arrière-grand-père peut-être, était colporteur dans le Quercy, analphabète. Et comment lui s'est-il tout à coup découvert une vocation comme ça, savante ? Alors, son père lui-même était installé depuis quelques années donc à Figeac et était devenu libraire avec un rôle assez important. On sait qu'on est dans une période politique Jean-François Champollion est né en 1790. On est vraiment dans la Révolution française ou juste les lendemains de la Révolution française. Son père, donc quelques années auparavant, est libraire, a un rôle important dans la diffusion des écrits et du savoir, donc sans doute une place sociale qui commence à se créer en s'étant installé, mais c'est surtout le rôle de son frère aîné qui va mettre Jean-François Champollion dans tous les bons réseaux intellectuels, non seulement locaux, mais au niveau national. Et très jeune, donc il part à Grenoble aussi, et il va apprendre les langues orientales. Il a une passion pour les langues orientales. Comment ça se fait ? Est-ce qu'il a déjà en tête l'idée qu'il veut connaître l'Égypte ? l'égyptienne. Alors là aussi, en général, on y voit une influence du grand frère qui lui-même raconte très tôt que s'il pouvait s'intéresser à toutes ces langues orientales, et il le ferait volontiers, mais il est rattrapé par des nécessités économiques, il doit travailler, et donc c'est dans son sillage, puisqu'il prend sous son aile, en fait, son plus jeune frère. Au début, il se charge de son éducation jusqu'à arriver à le mettre dans un lycée. Et c'est en parallèle de ses années de lycée qu'il reçoit un enseignement de langue orientale, mais à ses heures perdues. Il en reçoit l'autorisation. Une fois qu'il a terminé le reste de ses études, il veut lui aussi s'intéresser à l'arabe, à l'hébreu, au syriaque. Et on pense que c'est vraiment un peu dans le sillage de Jacques Joseph que Jean-François s'intéresse à toutes ces langues orientales. Est-ce qu'il y a à l'époque aussi une mode pour l'Égypte qui explique l'engouement de Jean-François pour l'Égypte ? Oui, on est au lendemain de la fameuse expédition de Bonaparte en Égypte. Hein, 1798, le départ, en tout voilà, cas. Voilà, qui s'est tenu entre 1798 et 1801. Et dans les années de ce qu'on pourrait dire l'équivalent du collège, puis du lycée maintenant, on est complètement dans les lendemains de l'expédition d'Égypte. Joseph Fourier est nommé préfet de l'Isère. Ça devient un ami personnel de Jacques Joseph. Jacques Joseph travaille avec Fourier, qui a été lui-même membre de l'expédition d'Égypte et qui est chargé de la rédaction de la préface de la description de l'Égypte. Donc ils sont complètement intégrés à cette aventure bonapartienne. Et ça a contribué à mettre l'Égypte et l'Égypte observée, pas que des curiosités de seconde main, complètement sur le devant de la scène. Et il y a beaucoup aussi d'objets anciens, antiques, qui sont rapportés, donc pillés souvent en Égypte, ou volés, ou achetés, enfin bon, ça c'est pas très clair toujours, mais qui sont rapportés en tout cas d'Égypte en Europe, et que donc cela va susciter aussi davantage d'études sur l'Égypte ancienne. Oui, effectivement, il y a plusieurs sources d'approvisionnement de l'Égypte, que ce soit par des cadeaux consulaires depuis des siècles, ou bien effectivement ces prises militaires à l'occasion de l'expédition napoléonienne, d'autres qui ont été acquis sur le marché. Les sources sont effectivement très diverses. Mais la grande apport de l'expédition d'Égypte, c'est toutes ces planches et ces observations, donc c'est surtout dans ces dessins. Et à la Bibliothèque nationale, on a vraiment la chance d'avoir même les dessins préparatoires qui ne seront pas tous publiés dans la description de l'Égypte, qui nous permet de témoigner d'encore plus de monuments vus sur place et qui va servir dans un premier temps d'alimentation à cette réflexion et à cette étude de l'Égypte. L'histoire que je vais raconter dans un instant commence début 1821. Où en est-on à ce moment-là des recherches de Champollion ? Ça fait déjà une dizaine d'années qu'il s'intéresse à l'Égypte et qu'il s'est lancé dans l'étude des langues orientales. Et en 1821, c'est vraiment le tournant où il se consacre uniquement à la recherche du déchiffrement. Vanessa Desclos, on poursuit cette discussion dans une trentaine de minutes. Tout de suite, 1822, Champollion et le mystère des hiéroglyphes égyptiens de Christine Spianti. Un texte écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. La réalisation est signée Cédric Ossir. J'aurai bientôt terminé l'inventaire des hiéroglyphes de la pierre de Rosette. C'était la première chose à faire. Sylvestre de Sacy, mon vieux professeur, disait qu'une découverte en matière de déchiffrement n'est due qu'au hasard. Je ne crois pas, moi. De la méthode. Oui, il faut de la méthode, c'est la clé. Bon, voyons ce hiéroglyphe. Un homme assis, à tête d'ibis, l'oiseau sacré. Le dieu Thoth. Mais voilà. Est-ce une image du dieu Thoth, donc un symbole? Ce qui ferait des hiéroglyphes une écriture sacrée. Ou bien est-ce une syllabe, Thoth, dans une langue parlée? Mystère. Idéogramme ou alphabet? Question centrale et je tourne en rond comme un idiot. Moi le quart, déjà? Je suis en retard. Bon, les étudiants seront trop heureux de voir le cours diminuer d'autant. Ce 20 mars 1821 commence comme une journée ordinaire pour Jean-François Champollion. Marié il y a 3 ans à Rosine Blanc, fille d'un notable de Grenoble, il a 31 ans, cheveux noirs, yeux noirs, un visage souriant. Son père, un petit libraire de Figeac, lui a donné l'amour du livre et son frère Jacques-Joseph, de 12 ans son aîné, la passion de l'Orient ancien. Il lui a fait découvrir la pierre de Rosette dont il a traduit la partie écrite en grec. Depuis 15 ans, Jean-François se consacre au déchiffrement des hiéroglyphes, lance des hypothèses qu'il contredit aussitôt. Leur nature même lui échappe. Un hiéroglyphe représente-t-il un mot ou une lettre de l'alphabet ? Son hésitation révèle la tension intellectuelle dans laquelle il vit. Ce 20 mars 1821, Champollion donne son cours à l'université où il occupe la chaire d'histoire ancienne. Alors qu'il sort de l'amphithéâtre, il rencontre un membre de son cercle politique, une société secrète républicaine nommée l'Union. Champollion l'a créée avec quelques amis après la chute de Napoléon, quand Louis XVIII a pris le pouvoir. Fidèle aux idéaux de la Révolution française, elle a comme objectif d'agir en secret et sans violence pour renverser la monarchie. Après avoir pris congé de son ami, Champollion se précipite à la bibliothèque de Grenoble où travaille son frère. Jacques, je viens d'apprendre quelque chose d'incroyable. Louis XVIII a abdiqué. Mais d'où tu tiens ça ? D'un ami. La nouvelle vient de Lyon. Elle est arrivée de Paris par télégraphe, figure-toi. Eh bien, nous voilà enfin libérés de la monarchie. Tous les républicains de la ville ont prévu de se retrouver à la citadelle. La citadelle ? Mais c'est se jeter dans la gueule du loup. On doit monter au sommet de la tour et remplacer le drapeau blanc de la monarchie par le drapeau tricolore. Comme ça, à des kilomètres à la ronde, on verra la victoire républicaine. Allez, tu viens ? Très peu pour moi, j'ai charge de famille. Mais vas-y. Et si ça tourne mal, je dirais que t'étais ici, à la bibliothèque. Mais fais pas ton jacobin enragé, petit, tu pourrais prendre une balle. Ah, t'inquiète pas, un jour on ajoutera à mes états de service d'archéologue la prise de la citadelle de Grenoble sans effusion de sang. Mais fais attention à toi, Robespierre. Cet après-midi-là, tous les républicains grimpent le contrefort rocheux qui domine Grenoble, avec à leur tête Champollion et son vieil ami de lycée, Augustin Thévenet. Arrivé à la citadelle, il hisse le drapeau tricolore. La ville est décrétée en état de siège. Mais rapidement, la nouvelle de l'abdication est démentie. Un mandat d'arrêt est lancé contre Champollion, qui est révoqué de ses fonctions de professeur. Pour échapper à l'arrestation, il se cache à 20 km de Grenoble, dans le village où vit son frère. Ce soir, 3 mois après les événements de Grenoble, il attend son ami Augustin Thévenet dans le jardin de la maison. On veut me traîner devant les tribunaux. Il n'est pas question que j'aille en prison. Il est temps de tirer les conséquences de tout ça. J'ai besoin qu'on me laisse en paix pour pouvoir continuer mon travail. J'ai 700 hiéroglyphes répertoriés. Mes recherches vont s'accélérer. Le déchiffrement est tout proche, peut-être. Ah, Augustin ! Alors, quelle nouvelle ? Comment vont les amis à Grenoble ? Vous avez pu vous réunir ? Oui, en grand secret. Le préfet nous a à l'œil. Tu te rends compte ? Il veut faire juger ceux qui ont été arrêtés devant une cour d'assises. Ouais, ça ne m'étonne pas. Planter le drapeau tricolore en lieu et place de l'emblème royaliste, c'est une sorte de régicide symbolique. Pas question que j'aille devant une cour d'assises. Je dois te prévenir. Le préfet a mis toute sa police à tes trousses. C'est le dernier coup qu'ils oseront me porter, je te le dis. Mais il faut se rendre à l'évidence. Nous sommes vaincus, Jean-François. Napoléon est mort à Sainte-Hélène et les royalistes triomphent. Pour l'instant. Mais il ne faut pas juger les événements sur leurs résultats. La pire des entreprises, si elle réussit, paraît honorable. Et on croit trouver la justice là où on voit le triomphe. Mais la République a de l'avenir, crois-moi. J'aimerais te croire. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne vois qu'une solution. M'enfuir et rejoindre mon frère à Paris. Tu devras être plus malin que le préfet. Il faut que tu arrives à Lyon clandestinement. Après, tu prendras la diligence. Et ta femme, qu'est-ce qu'elle en dit ? Rosine viendra me rejoindre plus tard. J'irai la voir, ne t'inquiète pas. Bon, alors, si c'est comme ça, mon vieux camarade, adieu. Dire qu'on ne s'est pas quitté depuis le lycée. Déjà, tu apprenais toutes ces langues avec un nom bizarre. Hébreu, syriaque, sanskrit, tartare, chinois, persan, que sais-je. Par principe, tout ce à quoi on ne comprend rien, tu disais. Ah, tu te rappelles le jour où on a cassé les vitres du dortoir ? Un peu, oui. La nuit, le proviseur a posté un soldat devant chaque lit baïonnette au fusil. Ridicule. Augustin, tu connais ma défiance envers toute forme d'autorité. Un subordonné de naissance et fidèle à 1789. Voilà où ça me mène. À devoir m'enfuir comme un hors-la-loi. Tu veux partir quand ? Le plus tôt possible. Mais faisons contre mauvaise fortune bon cœur, puisqu'on me chasse, je vais me consacrer à mes études égyptiennes. Quand reverrai-je mes belles montagnes ? Un jour ou l'autre, il fallait bien m'exposer au feu des batteries. Le monde savant est comme le monde politique. Il croit tout ce que dit le chef jusqu'à ce qu'un plus malin parle plus fort. Le monde savant a longtemps cru que la Terre était plate. Il ne m'impressionne pas. Des dizaines de chercheurs font la course en ce moment pour déchiffrer les hiéroglyphes. Mais je vais donner un grand coup de pied à tous ces prétendus égyptophiles. Ce sera rapide, glorieux. Je ne dois pas décevoir mon frère qui a mis tous ses espoirs en moi. Cher frère, je serai le premier à venir à bout des hiéroglyphes. À les faire parler, enfin. En juillet 1821, Champollion emménage à Paris, au 28 rue Mazarine, avec son frère. Jacques-Joseph, qui n'a pas le bac, a débuté commis de magasin à Grenoble. Mais après avoir étudié le grec et l'archéologie en autodidacte, il est devenu bibliothécaire. Rigoureux et bienveillant, il a très tôt détecté les capacités intellectuelles phénoménales de son petit frère et s'est chargé de son éducation. À Paris, il est devenu le bras droit de Joseph Bondacier, le secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, qui diffuse les travaux des historiens et des linguistes. À ce titre, il a accès à toutes les publications scientifiques concernant les avancées du déchiffrement des hiéroglyphes et tient son frère informé. C'est en effet une véritable course qui s'est engagée dans toute l'Europe pour décrypter ces signes mystérieux. 2 septembre 1821. Grâce à Jacques-Joseph, Champollion a donné une conférence sur l'égyptien cursif à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, l'occasion de se faire connaître des savants parisiens. J'ai bafouillé. Tu étais parfait. À peine 2 mois que tu es à Paris et déjà une conférence à l'Académie. Ah, tu es toujours indulgent avec moi. C'est cette ville. Elle me tétanise. Toi, tu es très à l'aise dans cette agitation. Moi, je voudrais mener la vie d'un derviche contemplatif en Inde. Ouais, tu peux rire. Bon. Plus sérieusement, où en es-tu ? J'ai enfin déchiffré le nom de Ptolémée, le grand pharaon, sur la pierre de Rosette. Ptolémaïos, dans le texte grec. 10 lettres grecques, 7 hiéroglyphes. Les Égyptiens n'écrivent pas les voyelles, ça je l'ai démontré, tu le sais. Cela correspond. J'ai donc trouvé les 7 premières lettres de l'alphabet hiéroglyphique. Mais c'est formidable, petit frère. C'est pas trop tôt. Je m'inquiétais que tu ne sois pris de vitesse. Par qui ? Quelqu'un a de l'avance sur moi ? Akerblad, peut-être ? Non. Le Suédois a bien repéré quelques lettres en égyptien cursif, mais il est incapable de lire 3 mots de suite sur la pierre de Rosette. Il n'est plus dans la course. Et ici à Paris, qui reste sur le champ de bataille ? Le Collège de France ? Sylvestre de Sacy, mon vieux professeur ? Jomard ? Pourquoi tu dis que t'es inquiet ? Oh, Jomard, il n'arrive à rien. Quant à le noir, il s'est complètement perdu avec son système ésotérique. Mais Saint-Martin, tu te rappelles ? Oui, c'était un ami jusqu'à ce qu'il devienne royaliste. Eh bien, depuis qu'il a obtenu un poste de prof au Collège de France, il a tout abandonné. Mais reste ce cher Lautrone. L'helléniste, bilieux, cassant et hargneux comme il y en a peu. Figure-toi, il prie pour que Thomas Young déchiffre avant toi. Voilà qui est sympathique. C'est lui qui m'inquiète, Jean-François. Thomas Young. Mais c'est sûr. Il a été le premier à énoncer que les hiéroglyphes étaient peut-être les lettres d'un alphabet. Mais bon, ça fait 7 ans qu'il annonce qu'il va percer le mystère des hiéroglyphes. Il a trouvé, tu crois ? Tu penses. Il publierait ses résultats s'il en avait. Mais le temps presse, je le sens. Il y a 50 théories différentes sur les hiéroglyphes et un jour quelqu'un dira « Eureka » et je veux que ce soit toi. Toi et toi seul peux résoudre cette énigme. J'espère que je serai à la hauteur de tes espérances. En attendant, si tu pouvais me trouver une meilleure reproduction de la pierre de Rosette, je travaille sur 2 mauvaises copies, collées sur du carton à moitié illisible. Et encore, elles sont même pas identiques. Tandis que Thomas Young, lui... Thomas Young, le principal rival de Champollion dans la course au déchiffrement, est un médecin et linguiste anglais. Il a un sérieux avantage sur Champollion. Il peut étudier l'original de la pierre de Rosette, qui est conservée à Londres au British Museum. c'est Thomas Young qui a remarqué que certains groupes de hiéroglyphes étaient entourés d'un trait gravé qu'on appelle un cartouche. Il a découvert que ce trait signale un nom propre de pharaon grec ou romain. Une première avancée majeure. En cet hiver 1821, pour la première fois de sa vie, Champollion peut consacrer tout son temps à ses recherches. Rosine la rejoint à Paris. 23 décembre. Le froid traverse les verrières du grand atelier où il travaille. Champollion observe encore et encore les reproductions de la pierre de Rosette, fixées par des clous au mur. 1417, 1418, 1419, non. 1419 hiéroglyphes pour 486 mots grecs. Ce ne sont pas des idéogrammes, c'est-à-dire un dessin qui représente un mot comme le font les chiffres. Impossible. Il y en a beaucoup trop. 1419 mots hiéroglyphes ne peuvent pas coïncider avec 486 mots grecs. Donc... 486 mots... Jean-François ! Non, c'est pas ça. Tu es prêt ? Si je suis prêt, pourquoi faire ? Ton anniversaire ! Ah, c'est aujourd'hui ? Et tu as tout préparé en secret, ma Rosine ? Oui, mon père a envoyé du champagne de Grenoble. Tu avances ? Ah, ça, oui. Alors, tiens, regarde. Regarde ces quatre hiéroglyphes. Ptah, le dieu qui a créé les étoiles, le soleil, la lune et la matière. Il m'a permis de déchiffrer une lettre de plus. Tu te rends compte ? J'ai un alphabet de 8 lettres à présent, Rosine. C'est bien. Mais il y a combien de lettres dans cet alphabet ? Des centaines, si ça se trouve. Après tout, tu n'as que 31 ans. T'as tout le temps. Oui, mais le temps passe si vite. Déjà Noël. Oui. Et moi, je voudrais être dans mes montagnes avec leur belle neige bien blanche. Ici, en une heure, elles tournent en bouillasse noire. Rosine, encore un peu de patience. Un an, deux, pas plus. J'ai confiance en toi. Ce n'est pas ça. Mais regarde-toi. Avec ton vieil habit à la provinciale... On est là sans argent. Ça me gêne d'être à la charge de ton frère. Moi aussi. Cette situation me pèse, si tu savais. Si tu avais un poste de professeur, ton esprit serait plus libre, plus indépendant. Comment travailler dans une incertitude matérielle pareille ? Mais tu sais bien, même une place de bibliothécaire, on me la refuse. Et qu'est-ce que tu dirais si je rentrais ? Ça allégerait les charges de Jacques. Et puis j'ai ma famille à Grenoble. Mes amis ? Je ne sais vraiment pas comment tu peux vivre avec moi. Un vieil égyptien qui a toujours une moitié de lui-même dans le passé. En t'épousant, je le savais bien. Même si j'ai cru que je pourrais te changer. C'est peut-être le peu de ressemblance entre nos caractères qui a créé notre attirance, non ? Je veux que tu sois heureuse. Pars si c'est ce que tu veux. Ah, mais s'il te plaît, pas avant d'avoir vu l'obélisque. L'obélisque de Philae ? Tout Paris l'attend. La plus belle pièce d'archéologie égyptienne jamais vue en Europe, il paraît. À Paris, les documents égyptiens affluent, relançant les polémiques, faisant se multiplier les articles dans le journal des savants. En janvier 1822, l'arrivée de l'obélisque de granit, érigé au IIe siècle avant Jésus-Christ et découvert en 1816 sur l'île de Philae, agite les esprits. L'obélisque encadrait l'entrée du temple d'Isis, et comporte à la fois une inscription en grec et une en hiéroglyphe où sont reproduits les noms du roi Ptolémée et de la reine Cléopâtre. Champollion est persuadé que la résolution de l'énigme est à portée de main. Ah, j'y ai tellement cru cet hiver. J'avais déchiffré le nom de Cléopâtre. Grâce à Cléopâtre, j'ai ajouté 4 nouveaux hiéroglyphes à mon alphabet. Cet hiver, chaque semaine a porté sa découverte. J'ai cru avoir enfin fait la lumière sur des milliers d'années. Et depuis, plus rien. Le printemps est là. Voilà 9 mois que je suis à Paris et ma vie est un voyage dans le désert. Immense, plat, uniforme, sans couleur. Et surtout sans limite. Tu as mangé ? Je n'arrive à rien. Tiens, je t'ai apporté du fromage. Faudrait que tu sortes un peu. Les quatre scènes sont tout à côté et... Le pire pour moi, ce serait de te décevoir. Jean-François, c'est normal d'avoir peur. C'est un défi énorme. Non, je n'ai pas peur. J'ai honte. Tous ces sacrifices que t'as consentis pour moi depuis des années, en argent et en soucis, tout ça pour rien. Mais qu'est-ce qui se passe, Jean-François? T'as déchiffré le nom de Cléopâtre. C'est une avancée extraordinaire. Oui, mais depuis, je ne sais plus. Je suis perdu. Tu ne dois pas te décourager si les résultats n'arrivent pas aussi vite que tu le désires. Tu déchiffreras avant tout le monde, j'en suis sûr. Non, Jacques, non, je n'y arrive pas. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire d'aller jusqu'au bout? Ce que ça peut faire? Mais déchiffrer les hiéroglyphes, ce sera découvrir enfin la civilisation des anciens Égyptiens, mais aussi celle de tous les grands peuples de l'Antiquité. Parce que l'Égypte est la terre de captivité des Hébreux, la terre des conquêtes pharaoniques en Afrique, des expéditions entre les peuples de l'Asie. Tous ces peuples des premiers temps de la civilisation humaine, nous les connaîtrons enfin grâce aux hiéroglyphes, et c'est toi, je te dis, qui en viendra à bout. Le secret des hiéroglyphes t'est destiné, Jean-François. Non, ça c'est ce que tu crois. Bien. Alors abandonne, si c'est pas possible. Quelqu'un d'autre y arrivera. Thomas Jung. Pourquoi tu dis ça? Tu veux me faire peur? Est-ce que ça te fait peur? Oui, tu as raison. Il faut continuer. Je vais le faire. Un mois plus tard, en avril 1822, une nouvelle antiquité égyptienne comportant des hiéroglyphes va être présentée au public à la Bibliothèque royale où travaille Jacques-Joseph. C'est un bas-relief représentant un zodiaque découvert à Dendera et datant de 50 avant Jésus-Christ. Elle vient d'être acquise par Louis XVIII pour 150 000 francs, une somme sans précédent. L'Égypte ancienne est à la mode. Le zodiaque de Dendera suscite l'engouement. Jacques-Joseph a promis de le montrer à son frère avant l'ouverture de l'exposition. Ce jour-là, tout va basculer. Je ne peux pas m'en empêcher. Dès qu'une nouvelle pièce arrive à Paris, j'ai l'espoir de découvrir enfin la clé du système. Voyons un peu ce que cette pierre a à nous apprendre. Le zodiaque de Dendera. Rien que le nom, c'est comme un rêve. Tu es sûr qu'on va pouvoir entrer? Eh oui. Le zodiaque est encore dans une réserve de la bibliothèque et j'ai la clé. Tu crois pas que ce serait bien de publier quelque chose? Tu as déjà 14 lettres de l'alphabet en hiéroglyphes. 12. Mais ce que je veux, c'est découvrir comment fonctionnent les hiéroglyphes. Et j'en suis encore loin. La modestie et la prudence sont un luxe, Jean-François. Par ici. Ils ont eu du mal à la faire passer par la porte. Une pierre de 2,50 m de diamètre, c'est gigantesque. Oh, que c'est beau! Elle était dans un temple à demi enfoui dans les sables près de Thèbes, au plafond d'une chapelle dédiée à Osiris. Ils l'ont extraite en la faisant exploser à coups de poudre à fusil. Quel désastre! Pourquoi priver le temple de Dendera de son magnifique plafond? Tu imagines si après Waterloo, les coalisés avaient fait ça dans la grande galerie de Versailles? Un moulage aurait suffi? Absolument d'accord. Donc, ici, il y a la voûte céleste portée par 4 déesses et 8 dieux à tête de faucon. Là, les planètes. Les Égyptiens en connaissaient 5. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et voici les signes du zodiaque. Les Gémeaux, le Lion. Oh, c'est fabuleux. Tu crois que c'est leur nom qui est écrit ici dans les colonnes en hiéroglyphes? Probable. Mais regarde ça, comme c'est étonnant. Là, sous la colonne de hiéroglyphes, cette petite étoile. Et si c'était pour montrer que les hiéroglyphes qui précèdent forment le nom d'une étoile? Mais oui, j'ai déjà vu ça. Sur l'obélisque de Philae, c'est ça. À côté du nom de Cléopâtre, je me rappelle. Il y avait un signe que je n'ai retrouvé nulle part. Une sorte d'œuf incliné. Et si c'était le signe du féminin? Tu veux dire qu'il y aurait des signes qui ne se prononcent pas? juste là pour signaler le nom d'une femme ou d'une étoile. Mais en quoi c'est nécessaire? C'est absolument nécessaire. Comme en arabe ou en hébreu, les Égyptiens ne notent pas les voyelles. Un groupe de consonnes peut correspondre à plusieurs mots. Et sans ces petits signes, on pourrait les confondre. Tu comprends? Oui, oui, oui, c'est très ingénieux. L'étoile indique un nom d'étoile, l'œuf incliné, un nom de femme. Comment tu vas appeler ça? On pourrait les appeler indicateurs ou déterminateurs. Jacques, c'est tout le système que j'entrevois soudain. Le système de la langue hiéroglyphique. Mais je crois bien que tu viens de découvrir une règle fondamentale de l'écriture hiéroglyphique, mon cher frère. Il faut publier maintenant. Ah non, sûrement pas. Ce n'est pas sérieux. Tout le monde va me tomber dessus. Avant tout, faut vérifier tout ça. Jacques, si tu racontes quoi que ce soit, je te promets, hein, je lâche les hiéroglyphes et je me mets au bas breton. Une langue pour laquelle j'ai un profond respect d'ailleurs. Cette découverte rapproche considérablement Champollion de son but. À ce stade, il sait que les hiéroglyphes, reproduisant les noms de souverains étrangers, ont une valeur phonétique et forment un alphabet. Et il vient de découvrir que certains signes muets, placés après un mot, en déterminent la catégorie lexicale. Mais Champollion ne rend pas publiques ses observations. À l'été 1822, il est déjà occupé par un nouveau document que lui a procuré un ami revenant d'Égypte. Il s'agit d'une copie d'un bas-relief provenant d'un temple d'Abou Simbel qui comporte des noms royaux inconnus de Champollion. Ce 14 septembre 1822, il monte très tôt le matin dans l'atelier. Dans le silence, la poussière danse dans la lumière qui descend des verrières. Ce nom, est-ce que ce serait Ramsès, enfant de Ra, le soleil? Illustre pharaon de la vallée du Nil, est-ce possible? Ramsès, qui régnait en son palais de pierre dorée, érigé sur la plage, se détachant sur l'azur du ciel et de la mer d'Abou Simbel. Mais oui, c'est bien Ramsès. Je viens de déchiffrer son nom. Et là, je les ai tous. Les 24 hiéroglyphes, l'alphabet complet. L'alphabet hiéroglyphique. Oh là là, je dois rester calme. Jacques, il faut tout de suite que je le voie. Jacques, qu'est-ce qui se passe? Je tiens mon affaire. Regarde. Quoi? Ça y est? Oui. 24 hiéroglyphes. L'alphabet complet. Mais pas seulement. J'ai tout compris. Parmi les 3000 hiéroglyphes que j'ai répertoriés, il y a un alphabet de 24 lettres et les autres sont des idéogrammes, des mots. Tu veux dire qu'ils se combinent? C'est ce que je veux dire, oui. C'est pour ça que j'ai mis tant de temps à comprendre. Je me disais, ou ce sont des lettres, ou ce sont des idéogrammes. Et en fait, non, 24 hiéroglyphes sont des sons qu'il faut lire comme un alphabet. Et les autres sont des mots qu'il faut interpréter. Sans parler des déterminateurs, un système complexe. Oui, un système qui combine trois sortes de hiéroglyphes, c'est la clé du... Je me sens pas... Bon sang, Jean-François, il est évanoui. Mon Dieu, reviens à toi, petit. Tu as réussi. Le 27 septembre 1822, Champollion présente officiellement ses travaux à l'Académie des inscriptions et belles-lettres devant la communauté savante. La salle est pleine. Champollion, très intimidé, lit les 8 pages qui résument sa découverte, le système de déchiffrement des hiéroglyphes. Arrivé de Londres, Thomas Young est là. Il le félicite. Une nouvelle science est née, l'égyptologie. Mai 1824, Champollion revient à Grenoble pour la première fois depuis 3 ans. Jacques-Joseph, inquiet pour la santé de son frère, a tenu à ce qu'Augustin Thévenet vienne le chercher. Champollion, qui vient de faire paraître son précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens, a reçu de ses éditeurs une avance de 5000 francs qu'il a envoyée à Rosine, restée à Grenoble. En mars, elle a donné naissance à leur fille, la petite Zoraïde, que Champollion, retenu à Paris, ne connaît pas encore. Ce matin, la diligence qui transporte Champollion et Augustin Thévenet traverse Grenoble, arrive aux 15 rue des Clercs, où Champollion s'apprête à retrouver sa femme Rosine et sa fille. Je m'étais endormi. Eh bien, je vois que ton frère avait tort de s'inquiéter de ta santé. Ouais. Trois nuits blanches pour venir de Paris. Ça lui faisait peur, mais finalement, je me sens bien. Eh ben, rien n'a changé ici. Tu veux toujours te lancer dans une carrière politique ? Ah, j'aimerais entrer au conseil municipal, mais les Républicains n'ont pas le vent en poupe. Mais la roue va tourner. Tu en es le meilleur exemple. Quand tu t'es enfui, il y a 3 ans, tu étais un proscrit, un banni. Et aujourd'hui, tu reviens en triomphe. Oh, en triomphe. Pour les royalistes, je reste un républicain. Avec mes découvertes, j'étais en position de tout espérer. Tout le monde disait que la première place vacante à l'académie serait pour moi. Mais rien. Pire que ça, le préfet de police a dit au roi de me surveiller. Tu ne vas pas le croire, il avait reçu des lettres anonymes pour dénoncer le jacobin grenoblois. Les royalistes n'entendent rien à la science. Pour eux, toute idée nouvelle est synonyme de chaos. Tu peux le dire. Sans parler des curés, qu'est-ce que j'ai pu entendre ? Les hiéroglyphes sont une invention du diable. Toute cette bêtise si tranquille. Heureusement, le pape a déclaré que j'avais fait beaucoup pour la religion. Et c'est incroyable, tu n'as pas eu de poste de professeur. Rien, je te dis. J'ai cru de bonne foi que j'allais enfin avoir un revenu fixe et subvenir aux besoins de ma famille. Et tu me vois ? Un pauvre diable payé de compliments sur ses belles découvertes. Bon, on va rattraper ça. Si Paris t'a dédaigné, le Dauphiné te fera un triomphe. Le directeur du musée a préparé une surprise. Tous les amis sont réunis là-bas. Ah, mes amis. Tu sais, pendant tout ce travail, je n'avais que l'amitié pour me soulager. Tu as été là. Merci, Augustin. Je serai toujours là. Comme par le passé. Et plus encore, s'il se peut. Ah, on y est. Oh, enfin descendre de cette voiture, je ne sens plus mes jambes. Ma maison. Oh là là, 3 ans que je suis parti. On dirait un siècle. Je suis impatient de les voir. Et dis-moi, ma petite fille, elle est comment ? Adorable. Rosine ! Champollion revient en Dauphiné, auréolé d'une célébrité qui s'est répandue dans toute l'Europe savante jusqu'en Russie. Réclamé à Oxford et à Cambridge, il a accompli un voyage en Angleterre où il a enfin pu voir la pierre de Rosette. Il veut à présent étudier les collections étrangères. Un musée des antiquités égyptiennes vient d'être créé à Turin et Champollion a obtenu une modeste bourse pour couvrir les frais du voyage. Alors, comment trouves-tu ta fille ? J'aurais tellement voulu que tu sois là quand elle est née. Et son baptême, tu aurais vu. Une belle fête. On va rattraper le temps perdu. Oh, Rosine, vous m'avez manqué. Ma petite Zoraïde est une vraie petite fleur de printemps. La plus jolie petite personne du Dauphiné. Et tu as vu comme elle mange, et comme elle crie, et mange, et dort, et se remet à crier. Oh, ça, elle te ressemble. Ah oui, elle a mon teint et mes sourcils. Pour le reste, il en sera ce que Dieu voudra. Il en fera une scientifique, qui sait. L'Académie ferait bien de faire entrer quelques femmes dans ses rangs. Bon, Rosine... Mais faut... Jean-François, un cerceau ! Tu lui as offert un cerceau ! Elle a que 3 mois ! Mais oui, parce que les enfants égyptiens jouaient avec aussi. Tu sais, ils avaient des balles, des poupées, des pantins, des crocodiles en bois, comme nous. Rosine, je suis si heureux d'être ici, mais... Je suis tellement fière de ton succès ! Même si t'es jamais là. Regarde, j'ai retrouvé ce poème. Tu me l'avais écrit au tout début. Hélas, sans ma Rosine, il faut passer ce jour. Vous redoublez mon amère tristesse, lieu où naquit le plus ardent amour. C'est un peu bête, mais je le relis quand je me sens seule. Tu étais un amant tendre et fidèle. Rosine, je le suis toujours. C'est vrai. Jean-François, il ne faut pas écouter mon père. Je sais qu'il t'a fait des reproches sur ta situation financière. Oh, ce n'est rien. Et puis, il a raison. Non, il aurait dû te féliciter. Et à propos du projet de musée égyptien à Paris, le poste de conservateur sera pour toi, j'espère. Oh, il y a beaucoup de gens sur les rangs. Bien mieux introduit que moi auprès de Sa Majesté Louis XVIII. Si tu savais, Rosine, j'ai tellement d'idées pour ce musée. J'en ferai un musée-école ouvert à tous. C'est grâce au savoir qu'on devient ce qu'on veut être. Et je voudrais donner à chacun la chance d'être passionné par sa vie. Il est forcément à toi ce poste. C'est toi qui as inventé l'égyptologie. Et justement, c'est ce que je voulais te dire. Un musée égyptien vient d'ouvrir à Turin. Il faut que j'aille le voir. Je dois repartir. Quand ? Le Mont-Cenis est encore sous la neige, mais d'ici à 8 jours, on pourra passer. 8 jours ? 8 jours seulement pour connaître ta fille ? Pour moi ? Oui, oui. Je sais bien. Il faut asseoir ta réputation. Tu dois découvrir, découvrir encore. Rosine, c'est la plus grande collection égyptienne d'Europe. Et puis les obélisques, les statues, les momies, les figurines, les amulettes. N'importe quoi peut me donner un petit renseignement historique ou religieux capital. Si je comprends bien, tu es de passage à Grenoble, sur la route entre Paris et Turin. Allez, prends pas cet air embarrassé. Je viendrai te rejoindre dès que la petite sera en âge de voyager. 8 jours plus tard, le 5 juin 1824, sous un beau soleil, Champollion prend la route pour Turin. Après avoir passé le col du Mont-Cenis, la diligence Lyon-Turin entame la descente vers l'Italie. La route pour l'Égypte passe par Turin. Si j'arrive en entier après cette descente, c'est vertigineux. Que vais-je découvrir à Turin ? Ils ont beaucoup de papyrus. Il faut les manipuler en respirant à peine, de peur de les réduire en poussière. Comment décrire cette sensation que j'éprouve en lisant les noms de pharaons dont l'histoire a perdu jusqu'au souvenir, de dieux qui n'ont plus d'autel depuis 15 siècles. Le temps entraîne tout, le plus grave comme le plus futile, le plus triste et le plus gai. Ici un décret de Ramsès, là un dessin humoristique où on voit un chat qui garde des canards. J'ai même vu un papyrus où figurait un rituel funéraire au dos duquel on avait écrit un contrat de vente. La sagesse égyptienne. Rien ne m'émeut plus. Déchiffrer les hiéroglyphes, c'est par-delà la nuit des temps, faire entendre la voix des vivants. Champollion et le mystère des hiéroglyphes égyptiens de Christine Spianti avec Jean-François Champollion, Sylvain de Guillaume, Jacques Joseph, Julien Campagny, Augustin Thévenet, Adrien Michaud, Rosine Champollion, Claire Cahen, bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Pierre-Henri et Dauphard Guéride, assistante à la réalisation Sophie Pierre, réalisation Cédric Aussir. Écoutez Autant n'importe l'histoire sur France Inter. Je poursuis dans quelques minutes la discussion sur Champollion avec mon invitée Vanessa Desclos. First time in that teenage misery. tell someone the better you will feel. So please put your trust in me. As soon as you do, I'll say when I've made up. Forget that I was only your lover. Métronomie, Things Will Be Fine sur France Inter, Autant en emporte l'histoire, est réalisé par Anne Weinfeld, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Rémi Sistiaga. Vanessa Desclos, l'anecdote selon laquelle le 14 septembre 1822, Champollion se serait évanoui au pied de son frère en lui apprenant qu'il venait de déchiffrer l'écriture hiéroglyphique, elle tient peut-être de la légende, mais il est quand même difficile de nier qu'il y a quelque chose d'enivrant, non, dans cette découverte, après des siècles de mystère. Effectivement, ça fait plus de 1500 ans que les hiéroglyphes ont complètement été oubliés, à tel point que beaucoup doutaient même qu'il s'agisse vraiment d'une écriture. Et oui, cette frénésie et puis surtout ces années d'investissement et d'abnégation dans lesquelles s'était plongé Jean-François Champollion depuis plus d'une dizaine d'années. Il a consacré sa vie à cette quête. Il y avait la pression des autres savants en Europe. La pression du frère aussi quand même. La pression du frère, la pression économique, comme il est rendu dans la fiction, effectivement. Et tout cela, on sait par ailleurs que Jean-François Champollion avait une santé fragile, contribue à ce que on aime tous bien cette anecdote de l'évanouissement, et je pense que n'importe quel d'entre nous, même égyptologue, trouverait une hypothèse fabuleuse, même pas de l'ordre du déchiffrement. Ça vous est déjà arrivé à vous de trouver des découvrir des choses comme ça, d'éprouver une émotion très forte? Oui, quand on, effectivement, quand on trouve une inscription qu'on pense inédite, qu'on la comprend, qu'on la déchiffre, oui, le cœur bat un peu plus vite. Ouais, j'imagine bien. Mais comment expliquer qu'on ait mis autant de temps à justement à déchiffrer cette écriture, et pourquoi ça arrive en 1822? Bon, il y a le talent de Champollion bien sûr, mais il y a aussi autre chose. Il fallait très certainement des documents, c'est la base de tout déchiffrement, multilingue ou multi-écriture, ce qui est le cas de la pierre de Rosette, hein, qui fut découverte en 1799 justement à Rosette, Rachid actuel en Égypte, qui est une pierre inscrite à la fois en hiéroglyphe et en démotique, deux systèmes d'écriture de l'Égypte ancienne, et en grec. Et ce bilinguisme, c'est ce qui va permettre notamment de rapprocher, dans un premier temps, les cartouches, hein, en fait les ovales qui entourent les noms de rois, ont été déjà détectés par l'abbé Barthélemy au milieu du XVIIIe siècle comme pouvant contenir les noms de rois. Et c'est Ekerblad, le premier, le Suédois, qui arrive à rapprocher les lettres grecques des lettres de Ptolémée, mais il ne va pas très loin. Thomas Young, lui, va beaucoup plus loin, puisqu'il arrive à lire vraiment ce cartouche-là en publiant dès 1818 une liste d'une vingtaine de rapprochements phonétiques et avec des mots de vocabulaire, mais il se retrouve coincé. Et c'est vraiment Jean-François Champollion qui va aller plus loin, parce que en 1822, afflue sur le marché de l'art et en Europe entière plein de nouveaux documents suite à l'expédition d'Égypte et d'autres documents multilingues comme l'obélisque de Philae qui a rejoint l'Angleterre et qui donnait par exemple la clé du nom de Cléopâtre. Donc ne pas confondre l'obélisque de Philae avec celui de Louxor qui est place de la Concorde à Paris. Voilà, et qui ne fut érigé qu'en 1836, bien après la mort de Champollion. Mais voilà, l'obélisque de Philae a bien été connu de Champollion grâce à des gravures, puisque l'anglais Banks qui a acquis cet obélisque, il le repère, enfin déjà Frédéric Caillou le voyageur l'avait repéré en 1818, en avait fait des copies qui étaient connues donc en Europe, mais Banks le complète d'une publication, d'une planche qu'il fait parvenir à l'Académie des inscriptions en belles-lettres en 1822. Et Champollion a une copie donc de cette impression qu'on conserve dans ses papiers à la Bibliothèque nationale. Et on voit comment il a travaillé sur cette copie pour mettre en parallèle les inscriptions en hiéroglyphes et en grec à nouveau. En France, il va y avoir l'ouverture d'un grand musée des antiquités égyptiennes grâce à Champollion, donc un musée qui succède à celui de Turin en Italie. C'est Champollion qui incite le roi Charles X à acheter des collections égyptiennes. La division égyptienne donc du Louvre est créée en 1826. Comment expliquer que Champollion ait mis autant de temps à aller en Égypte, ce grand voyage qu'il va accomplir en 1828? Champollion n'a pas pu se rendre en Égypte faute de moyens et de position aussi officielle, puisque pour obtenir les autorisations, c'est tout un environnement diplomatique qu'il faut mettre en œuvre et aussi réunir des moyens colossaux. Et c'est qu'à partir du moment où il aura cette position de chef de la division des antiquités égyptiennes du Louvre qu'il aura l'assise pour être missionné par l'État français pour se rendre en Égypte. Ça doit être quand même extraordinaire ce qu'il a pu découvrir, lui qui a consacré sa vie à l'Égypte, et là il arrive dans l'Égypte, la réelle, et il sait tout en fait, il sait déjà tout. C'est ça qui est étonnant. Oui, il est absolument émerveillé de cette découverte de l'Égypte et surtout il est époustouflé parce qu'il aime autant l'Égypte moderne que l'Égypte antique et il a l'impression de voyager à travers un livre dans lequel il peut lire. Et il écrit très tôt à son protecteur, Monsieur Dacier, le premier à qui le secrétaire de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, à qui il avait adressé cette lettre du déchiffrement en 1822. Eh bien, je dois dire que nous avions vu juste. Et donc, il confirme ses hypothèses et il engrange des milliers de notes et d'inscriptions avec son équipe qui l'accompagne. Et il dit « Je ramène des moissons pour des vies entières ». Jean-François Champollion meurt le 4 mars 1832, il n'a que 41 ans. Balzac écrira « Champollion a consumé sa vie à lire des hiéroglyphes ». Vanessa Desclos, je rappelle que vous êtes la co-commissaire de l'exposition « L'aventure Champollion dans le secret des hiéroglyphes ». C'est une exposition où vous présentez, je crois, beaucoup de documents exceptionnels. Nous avons cette grande chance qu'à la mort de Jean-François Champollion, Jacques Joseph était en poste au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale et il milite auprès du roi pour faire acheter les papiers scientifiques de son frère qui donc sont ensuite déposés à la Bibliothèque nationale. Et c'est vraiment une manne. Alors beaucoup d'entre nous connaissent la grammaire, le manuscrit de la grammaire égyptienne qu'il a laissé à la veille de sa mort et c'est son frère qui le publiera, qui est consultable sur Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, mais nous avons 88 volumes de notes de la main du savant et aussi des dessins du voyage en Égypte, y compris de ses collaborateurs. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a souhaité présenter et partager avec l'ensemble du public qui viendrait voir l'exposition. En effet, on n'a pas souhaité faire une exposition biographique, parce qu'il y a des très bons livres qui permettent de retracer la vie de Jean-François Champollion, mais on a souhaité placer le visiteur dans la fabrique d'une science. Ça veut dire quoi de déchiffrer les hiéroglyphes? On accompagne Jean-François Champollion à travers ses manuscrits, à travers les œuvres qu'il a vues. Le musée égyptien de Turin et le musée du Louvre, notamment, nous ont fait des prêts formidables. Et on essaie, comme ça, de prolonger un petit peu l'aventure jusqu'à nos jours, en voyant les apports de Champollion et comment on continue de travailler encore aujourd'hui. Merci beaucoup Vanessa Desclos. Donc l'exposition L'aventure Champollion dans le secret des hiéroglyphes est visible jusqu'au 24 juillet à la Bibliothèque Nationale de France. À lire sur le sujet, donc le catalogue de cette exposition édité chez BNF et la biographie Champollion, le savant déchiffré d'Alain Faure édité chez Fayard. C'est la fin pour ce soir de Temps n'emporte l'histoire. Vous pouvez réécouter cette émission ou la podcaster sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires avec impatience ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons à Versailles juste avant la Révolution avec l'affaire du collier de la reine. Une affaire où l'on trouve pêle-mêle une reine qui s'ennuie, un cardinal libertin, des rendez-vous secrets et cerise sur le gâteau, un collier de diamants de 2800 carats. Mais le marivaudage tournera au drame. Pour la monarchie, une véritable mèche sur un baril de poudre. Jeanne de la Motte et l'affaire du collier de la reine, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire.